Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Ménopause pour tout le monde, une série de Perrine Kervran réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a la fameuse horloge biologique et la peur, le dégoût ou la romantisation de ce qui n'est qu'une étape parmi d'autres et qui rendrait les femmes invisibles, à moins que ce ne soit plus compliqué que ça. Alors pour commencer, les personnages. Une autrice qui chante, une autre qui se scrute, une cinéaste déterminée, un anthropologue qui creuse, une chercheuse qui regarde des films, deux chercheuses qui relisent et Madame Tout-le-Monde. Ensuite, le décor. Une piste de danse, des séries, des scénarios, des textes, de l'humour, des bouffées de chaleur, Annie et Simone, et des imaginaires qui n'impriment pas. Aujourd'hui, 4e épisode, on lit un super roman. Hello ladies, welcome back. It's time for another menopause tutorial. Le corps d'Adélaïde s'étend voluptueusement sur le lit de 1m20, recouvert de coussins. Solitude inédite, poitrine gonflée d'ivresse. Ouverture du champ des possibles, l'avenir se fait accueillant et enfin mystérieux. Elle s'ennuyait avec Elias. Chaque jour, éternel recommencement. Il lui semble aujourd'hui, à ce moment précis, qu'elle a repris le contrôle sur sa vie, se permettant de repartir pour de vrai, à zéro. Adélaïde, a le cœur si sec. Adélaïde, une fourchette dans ses névroses. Adélaïde, danse comme une reine décapitée. Adélaïde, est exilée au pays des célibataires. Adélaïde jouit du silence, palpe cet instant en suspension. Elle a un peu le vertige, beaucoup d'excitation. L'inconnu lui est accessible. La voilà prête à s'y lancer. La femme invisible. Mais où sont passées les femmes de 50 ans dans la fiction ? Elle en prend conscience sur une piste de danse, où elle se jette sur la piste et les regards la traversent. Il n'y a plus de regard désirant posé sur elle, de regard tout court. C'est une façon de montrer ce que c'est concrètement que l'invisibilité de la femme à la cinquantaine, mais un peu plus tôt. Et je pense que c'est quelque chose qui est très très brutal et auquel on n'est pas du tout préparé. Chloé Delhomme, autrice d'Un cœur synthétique. Elle découvre que c'est une forme de libération d'être seule et surtout elle accepte le réel. Et le réel, c'est aussi des chiffres. C'est qu'effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes dans ce pays. Il y a aussi le fait que les hommes meurent en premier. Et donc, par conséquent, on a de grandes chances de finir seul si on compte sur l'homme. Donc, en fait, il vaut mieux finir entre copines. C'est-à-dire que la solitude n'est pas inexorable. C'est un peu une sorte d'ode au célibat joyeux, au final. Je voulais parler d'une femme de 46 ans parce que je constatais, en ayant atteint l'âge en question, que les héroïnes de cet âge-là, en littérature française, étaient assez peu présentes dans la littérature contemporaine. Et je voulais justement casser cette invisibilité. Et après, j'avais envie, par ailleurs, de faire une parodie de chick lit, donc la littérature de bonne femme, et de mettre en scène cette quête de l'amour sur la deuxième partie de vie. D'une hétérosexuelle qui considère qu'elle est incomplète si elle n'est pas en couple. C'est pas une loose qui est très glamour. Et j'avais envie d'en faire de l'humour, en tout cas. Adélaïde s'endort en oubliant son âge. Sa seconde partie de vie, elle semble l'envisager comme autant de ses années de trentenaire ou d'étudiante. Adélaïde ignore qu'il y a bien moins d'hommes libres. Elle n'y a pas pensé. Elle omet également le poids de la concurrence. Les fraîchement séparés préfèrent les femmes plus jeunes. Adélaïde, sous peu, sera brûlée par l'éveil. Le cœur synthétique, Chloé Delhomme. À l'époque où j'ai traversé ma ménopause, je commençais à avoir pas mal de symptômes et franchement, j'en ai bavé pas mal. Même si c'était aussi super, mais bon, le fait de ne plus avoir de cycle, c'est vraiment très bizarre. Comme si je ne savais plus très bien qui j'étais. So I looked around, you know, being a writer, I always look for books to help me understand what I'm going through. Alors je regardais autour de moi parce qu'en tant qu'écrivaine, je cherche toujours des livres pour m'aider à comprendre ce que je suis en train de vivre. Et j'en ai trouvé si peu capable de m'aider que du coup j'ai décidé d'écrire mon propre livre. Parce que quand on est écrivaine, c'est un peu comme si tu pratiquais l'exorcisme sur toi en permanence. Darcy Steinke, autrice. This was at the very beginning. I was sort of like, okay, how am I gonna? C'était tout au début et je me demandais comment maîtriser la situation. A little bit get control of it. Parce que c'est vraiment ça la ménopause. C'est ton corps qui t'échappe complètement. I mean, that's why people make fun of hot flashes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens se moquent des bouffées de chaleur. In order to sort of get a hold of it better, to du coup, pour reprendre le contrôle, j'ai décidé de tenir un journal. Like, I would see characters have them on TV, women. Parce que j'avais en tête tous ces personnages de femmes à la télévision dont on se moquait. Ces femmes qui avaient trop chaud et qui se ruaient sur les fenêtres pour les ouvrir. Mais moi, je savais que contrairement à ce que j'avais appris, les bouffées de chaleur étaient quelque chose de bien plus nuancé. Est plus intéressant. D'un point de vue littéraire, c'est passionnant parce qu'il vous arrive quelque chose de totalement neuf. Du coup, j'ai décidé que j'essaierai de décrire les nuances et les subtilités des bouffées de chaleur et je le voulais d'autant plus que je n'avais jamais rien lu de tel et que personne n'avait fait ça. Les mecs, ils grèvent des cœurs, des mains, des poumons. Ils mettent des bouts d'acier et des piles dans le corps. Ils sont même pas foutus d'inventer quelque chose contre les bouffées de chaleur. Ça me rend dingue. Ça, c'est parti de plein de choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'écrire quand j'ai eu 40 ans parce que j'avais une très, très grande angoisse de vieillir. Blandine Lenoir, réalisatrice du film Aurore. Que mes amis hommes n'avaient pas du tout. Donc, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions là-dessus. Et puis aussi, je voyais mes copines de plus âgées, de 50 ans, qui se retrouvaient célibataires, souvent des galères de boulot, avec leurs ex qui refaisaient leur vie et qui avaient des jeunes enfants. Et ces copines-là, leurs enfants quittaient la maison et elles étaient vraiment frappées d'un grand désarroi. Et je me suis dit que j'avais jamais entendu parler de ça au cinéma et qu'il y avait un grand manque parce que, voilà, il y a 40% des femmes de ce pays qui sont ménopausées. C'est beaucoup de monde, en fait, quand même. J'arrête pas de penser à Mamie en ce moment. Tu sais ce qu'elle m'a dit le premier jour de mes règles ? Maintenant, t'es une femme. C'est complètement con pourquoi elle m'a dit ça. Du coup, je suis quoi maintenant ? J'ai plus mes règles, je suis quoi ? Bah, tu sais, tu m'avais dit ça aussi. Hein. Non. Ah bah si. Donc il y avait tout à inventer, en fait. Il y avait un grand champ libre, y compris sur la représentation de la ménopause avec Anya Jaoui. On se disait, on peut tout faire, parce qu'on l'a jamais vu, à part des petits clichés très rapides de femmes qui se mettent la tête dans le frigo parce qu'elles ont trop chaud, des bêtises comme ça. Sinon, ça n'existe pas, cette thématique. Donc à partir de là, moi, j'ai juste observé autour de moi toutes les femmes de 50 ans et plus que je voyais dans mes amis, etc., et voir ce qu'elles traversaient comme bouleversement, c'est-à-dire autant au niveau professionnel qu'amoureux, que sexuel, etc. Et à partir de là, essayer de tout le temps trouver la fantaisie dans toutes les situations pour qu'on puisse en rire et être moins effrayé. Et puis surtout mettre en lumière tout ce que ça a de positif aussi, cette période. Ah, parce qu'on a un stock de vos sites. On a un stock. Je savais pas. D'un seul coup, pouvoir faire l'amour sans jamais avoir peur d'une grossesse, c'est aussi une libération incroyable. Ça peut devenir comme une espèce de nouvelle adolescence avec un temps fou pour soi et pour faire enfin ce qu'on veut, quoi. Et c'est vrai que je voulais raconter, pas un conte, mais en tout cas expliquer que cette vision extrêmement négative sur la ménopause, c'est la société qui nous la renvoie, mais c'est pas forcément ce que les femmes vivent. Pour les bouffées de chaleur, il y a rien à faire. J'aurais bien prescrit des hormones, mais dans votre cas, c'est pas recommandé, donc... Le soja. Non, ça marche pas, le soja. Eh ben, il faut être philosophe, alors. De toute façon, après 30 ans, on est sur la pente descendante. Ça va pas aller en s'arrangeant, tout ça, vous savez. Non, il faut accepter. Ben, je pense que c'est une période qui n'est pas considérée comme croustillante d'un point de vue romanesque. C'est ça que j'en déduis. c'est déjà construit une femme à cet âge-là. Donc c'est pas traversé par des affres existentielles aussi violents qui appelleraient le Sturmundrang. Je pense aussi que c'est des phases qui peuvent être bien entendues et qui sont traversées aussi par des grandes passions, des grandes ambitions, des grands trucs. Mais on est quand même construite. Il y a plein de domaines où c'est... j'entends par exemple sur le professionnel où c'est un peu trop tard aussi. Enfin, on peut toujours effectivement effectuer une reconversion ou quelque chose, mais c'est rare de devenir chanteuse de rock à 46 ans. Bah, ce que vous êtes en train de faire. Ah, moi, c'est pas du rock, c'est de la pop. Adélaïde a peur des rides. Ça la rapproche trop de la fin. Une fleur bleue trempée dans l'acide a très rarement le pied marin. Ses yeux prennent l'eau, son cœur se noie. Elle redoute de finir ses jours, mais trop charonne, poussant sa voix sur une vieille rengaine des faubourgs. Elle commande un gin tonic au bar et ne sait pas quoi faire. À cet instant précis, elle a envie de mourir. Elle repère un quadra, il a de la bedaine, elle pense avoir ses chances, elle est plus jolie que lui. Elle s'approche et se pose dans son champ de vision. Il ne se passe rien, son regard la transperce. À cet instant précis, elle se sent déjà morte, elle commande en zombie un deuxième gin tonic, le boit sans s'en rendre compte, enchaîne sur le troisième. Le DJ joue New Order. Adélaïde s'en va danser sur Blue Monday afin de vérifier si elle est devenue socialement un fantôme sur le marché de l'amour, de la viande avariée. Je me suis posé la question aussi au moment du roman, si je pouvais faire des clins d'œil à des héroïnes comme on a une Bovary, quoi. Est-ce qu'on aurait... une Madame de Mortsauf plus vieille. En fait, j'en ai pas qui m'ont marqué des personnages féminins dans ces eaux-là. Je dis pas qu'il y en a pas. Ou alors, on est chez Balzac, mais elles sont très vieilles par rapport à l'âge, enfin, par rapport à maintenant. Mais j'ai pas l'impression qu'elles aient traversé l'histoire de façon aussi forte, même qu'une Manon Lescaut. Il y a une tradition qui est vivante encore, qui donne une symbolique plutôt négative à la femme vieillissante et plutôt positive à l'homme vieillissant. C'est quelque chose qu'on peut observer depuis l'âge classique, à travers le Moyen-Âge et jusqu'au XXe siècle. Il en reste des vestiges dans notre culture du présent. Annette Kailauer, chercheuse en littérature. Pour les femmes, ça commence par le regard extérieur qui regarde les aspects extérieurs, le corps, la beauté de la femme qui fane. Mais cette laideur de la vieille femme est un topos très ancien qui se voit déjà à l'âge classique, au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIe siècle. Une laideur qui est souvent liée à une corruption morale, d'attraits érotiques, malins, dangereux, qui menace aussi cette idée de la société bourgeoise, de la procréation, parce que c'est une sexualité, si on veut, libérée de la procréation, qui, dans ce sens-là, met en danger le fonctionnement social de la société bourgeoise. Poussière de momie pour me vieillir, pour changer ma tenue du noir de nuit. Pour vieillir ma voix, un caquet de vieilles mégères. Parfois, l'image dans le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, l'image de la sorcière, c'est une femme assez âgée et assez laide et qui devient en plus dangereuse parce qu'elle menace ce lien social de la procréation. Le déguisement parfait. Dans toutes les sociétés, c'est un leitmotiv. On dit qu'elle devient comme un homme. Daniel Delanoé, anthropologue. Dans la littérature médicale, on dit qu'elle se masculinise, enfin, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un troisième genre? Je l'ai écrit. Aujourd'hui, le genre, c'est un peu différent. Là, je dirais qu'elle elle pose des questions au genre, plutôt qu'un troisième genre. C'est comme ça que je le formulerais aujourd'hui. Elle interpelle le genre. La représentation masculine de la femme vieillissante est dépréciative. Quand elle se masculinise, elle est montrée de façon négative. Je ne sais pas si c'est la peur ou c'est juste l'image négative de la femme vieillissante. Tu n'as jamais entendu parler de la merveilleuse Madame Mille ? Ben non. C'est moi la plus grande, la plus merveilleuse sorcière. Là, on voit Walt Disney qui reprend à son compte le vieux fond culturel de la sorcière. Je peux me faire encore plus laide que je ne suis. Qui est menaçante, qui est une femme en général sans descendance, une victime facile. Oh, je suis laide à faire peur, parfaitement répugnante. Il faut savoir aussi que pendant l'Inquisition, sur les à peu près 20 000 femmes qui ont été brûlées par l'Inquisition, on estime qu'à peu près les trois quarts étaient des femmes d'un certain âge. Donc c'était des victimes faciles. On pouvait s'en prendre beaucoup plus facilement. Elles avaient plus de parents, elles étaient en déshérence d'héritage et de parenté. C'est une figure de la féminité inclassable, dérangeante, inquiétante, et qui incarne une femme qui n'est plus dominée, qui n'est plus dans la réclusion, qui n'est plus dans le cercle familial. Elle est encore dominée, bien sûr, mais elle est plus contrôlée. Une sorcière comme les autres. Mais alors, Daniel Delanoë, pourquoi justement est-ce qu'on associe la sorcière à la femme ménopausée ? Alors là, il y a une clé, si vous voulez, que j'ai trouvée dans Albert le Grand, cet érudit dominicain au XIIe siècle, qui, dans Le secret des femmes, parle de la physiologie féminine. Il pose cette question, pourquoi est-ce que la vieille femme, lorsqu'elle regarde l'enfant meurt ? Il dit, c'est parce que les méchantes humeurs qu'elle a éliminées avec les règles, reste en elle. Et ces méchantes humeurs remontent dans l'œil, passent à travers l'œil, et à travers l'œil infectent l'enfant, et l'enfant va mourir. Donc il y a une dangerosité de la vieille femme qui est liée à la dangerosité du sang menstruel. Pline l'Ancien, fait dans De Natura Rerum, raconte que le sang menstruel donne la rage aux chiens, rend un champ stérile, fait ternir les miroirs, rouille les bronzes. C'est un produit extrêmement dangereux. En fait, les bons personnages sont souvent complexes. Et j'ai rien contre ça. Moi aussi, je trouve que les femmes compliquées font de bons personnages. Mais je pense qu'on pourrait les considérer un peu mieux. Et c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai regardé la vie de ma mère avec un œil neuf. On pouvait la voir comme une femme amère et malheureuse, mais en fait, elle s'est battue avec rage pour sa nudité. Et la colère était une des façons pour cet amour propre de se manifester. C'est un moment difficile, c'est vrai, mais de là à dire que ça nous amoindrit ou qu'on perd une partie de soi-même, ça me fait penser à L'Invité, le roman de Simone de Beauvoir. Ce livre m'a toujours hantée. Je veux dire, c'est insupportable quand on t'explique que bon, ça y est, vous êtes vieille, il va falloir s'habituer à ce que votre mari désire des femmes plus jeunes et qu'on vous mette de côté. Franchement, je trouve ça atroce et puis surtout, c'est faux. Ce n'est pas du tout ce que les femmes vivent physiquement et émotionnellement. Oui, voilà. Oui. Oui. C'est. Oui, vu que. Non, parce que je suis serveuse, moi, je ne suis pas femme de ménage, donc. Vous n'avez vraiment rien dans la restauration ? Ah oui, bah non. Enfin, si, mais non. Non. Je pense que l'image des femmes de plus de 50 ans au cinéma qui me vient en tête, elle n'existe pas, puisque ces personnages-là n'existent pas. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. On reste. Hein, voilà. Iris Bray, autrice et critique de cinéma. On a d'ailleurs. Des chiffres, le Gina Davis Institute a fait une étude récemment sur les films européens pour voir s'il y avait des femmes de plus de 50 ans dans les top 100 des films européens. Et l'étude se rend compte que 75% des personnages de plus de 50 ans sont des hommes. Il faut quand même s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes de plus de 50 ans sur nos écrans. Et lorsqu'elles existaient dans les films analysés, elles étaient souvent, en fait, pas sexualisées et réduites à des rôles où on les caractérisait comme des vieilles peaux. elle rentrait en fait dans des stéréotypes assez précis, comme des femmes têtues, qui n'étaient pas attirantes, qui étaient de mauvaise humeur et qui n'avaient unfashionable, qui n'avaient pas le sens de la mode. Il n'y avait même pas une héroïne dans cette étude. Donc ça veut dire que les corps qui sont considérés comme vieux et les corps de femmes qui sont considérés comme vieux n'ont pas de valeur au cinéma. Après cette tradition de la dépréciation totale de la vieillesse en général au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on revalorise de nouveau le vieillissement. C'est une image positive qui se continue vers le XIXe siècle avec cette idée de la grand-mère qui est un être neutralisé, qui n'a plus de sexe. Je ne sais pas trop si on peut parler de masculinisation, mais de neutralisation, et qui peut, à partir de cette neutralisation, avoir un rôle tout différent, bien sûr, non pas au centre du pouvoir de la société, mais en marge, quand même, avoir un rôle social bien défini de l'éducation des petits-enfants, de soins, d'une certaine sagesse. La fameuse George Sand, quand elle vieillit à un certain âge, d'abord elle réfléchit sur ce vieillissement dans ses textes autobiographiques. Elle trouve une libération, une certaine libération dans cet âge avancé. Mais à la fin de sa vie, elle devient vraiment, elle se fait cette image de la bonne dame de Nohant, c'est-à-dire d'une grand-mère qui a des petits-enfants, qui écrit des contes pour les petits-enfants, qui fait la cuisine, qui est acceptée dans la société et qui n'est pas dépréciée à cette époque. C'est plutôt vers la fin du XIXe siècle que ce genre de textes autobiographiques sur le vécu des femmes sont plus importants, et là apparaît la description de l'âge avancé, plutôt vers le début du XXe siècle. Nous avons des auteurs comme Colette, par exemple, qui, de façon très intense, à partir d'un certain moment, parle de femmes plus âgées dans les textes littéraires qui vivent leur vie, qui ont un regard particulier sur le monde, et puis aussi commencent à décrire leur propre vieillir dans des textes autobiographiques. Colette, depuis 1900 jusqu'à sa mort, quoi, 1953, a représenté la femme vieillissante dans toutes les situations. Martine Boyer-Weinmann, chercheuse en littérature. Dans une situation où elle s'afflige de la perte du désir d'autrui. Et là où elle l'a fait le mieux, c'est peut-être dans une forme d'autofiction qui est La naissance du jour, qu'elle a écrit à 50 ans pour parler de sa propre mère, de la fameuse Sido. Donc dans La naissance du jour, elle conquiert d'une certaine façon sa vocation d'écrivaine pleine et entière à travers le regard sur sa mère vieillissante, dans lequel elle se joue évidemment des phénomènes de miroir. Samedi 30 décembre. Je classe et je jette des papiers concernant ma mère et je vois combien j'ai été obsédée, affectée par ces dernières années, sa mort. Je n'ai jamais la mémoire des douleurs passées, si bien que je vis chaque fois les nouvelles sur le mode de la déréliction. De même, tout ce que je fais ne m'apparaît bien, beau, qu'au passé. Je me sens à un tournant, mais de quoi, je ne sais pas. Vendredi 1er septembre 1989. Anniversaire, 49 ans. Cela brûle la cinquantaine, la décennie effrayante. Retrouver mon âge et les débuts de la ménopause. Voir mes tailleurs, mes chemisiers achetés pour un homme et les rendre à leur valeur de vêtements sans but, juste pour s'habiller à la mode. C'est-à-dire pour rien. Ma volonté de descendre jusqu'au bout de la douleur et de l'illusion en même temps. Annie Ernaux. Dans ce journal, Annie Ernaux, elle écrit pour elle-même ceci, alors qu'elle vient de perdre cet homme dont elle a été follement amoureuse et c'était un diplomate. Je te promets d'essayer de ne pas vieillir. Et elle note dans son journal: ici, l'engagement pris devant lui, je vais essayer de ne pas vieillir, rester toujours à 57 kilos, fil d'or ou autre moyen de tricher, si les rides s'accentuent. Donc là, on touche évidemment un topos, hein, le topos de la femme qui se regarde dans le miroir, et la question du poids, aussi une forme d'altération physiologique qui est liée donc à l'âge, mais ce questionnement sur en quoi suis-je la même, en quoi suis-je une autre, en quoi suis-je toujours désirable, qu'est-ce qui reste désirable en moi ? Ce moment de bascule, de passage, ce que un de ces moments, hein, il y en a de nombreux dans la vie des femmes, mais ce que Beauvoir appelle la ligne d'ombre. Aussitôt quittée ma table de travail, le temps écoulé se rassemble derrière moi. J'ai d'autres choses à penser. Brusquement, je me cogne à mon âge. Un jour, je me suis dit, j'ai 40 ans. Quand je me suis réveillée de cet étonnement, j'en avais 50. La stupeur qui me saisit alors ne s'est pas dissipée. Simone de Beauvoir. C'est un de ces moments initiatiques, hein. Un moment de où l'identification ou la désidentification, hein, ces moments de bascule, ces moments de transition, c'est cet âge où se joue, et ça encore, Simone de Beauvoir nous invite à le regarder, un rapport entre perception extérieure, regard extérieur porté sur une identité, un corps, une conscience, un être féminin qui s'interroge sur sa propre féminité ou sa déféminisation, et une perception intérieure. J'ai perdu ce pouvoir que j'avais de séparer les ténèbres de la lumière, me ménageant au prix de quelques tornades des ciels radieux. Mes révoltes sont découragées par l'imminence de ma fin et la fatalité des dégradations. Cette amertume qu'elle met en avant, elle l'explique d'une part par le climat politique et par la prise de conscience via l'horreur qu'a été pour elle la guerre d'Algérie, hein, puisqu'il se manifeste dans la noirceur de ses pages. Sylvie Chaperon, historienne. Et puis elle le dit aussi que c'est un moment de sa vie où elle a traversé une sorte de crise finalement. Elle-même se sentait effectivement vide de projet. Elle n'avait plus la foi, la soif d'absolu qu'elle avait quand elle était jeune. Et elle se voyait à ce moment-là comme sur une pente déclinante où peu à peu, elle allait cesser tout ce qui faisait ses joies de vivre finalement. Oui, le moment est arrivé de dire « jamais plus ». Ce n'est pas moi qui me détache de mes anciens bonheurs, ce sont eux qui se détachent de moi. Les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais plus je ne m'écroulerai, grisée de fatigue, dans l'odeur du foin. Jamais plus je ne glisserai solitaire sur la neige des matins. Jamais plus un homme. Maintenant, autant que mon corps, mon imagination en a pris son parti. Jamais plus le ski, jamais plus les randonnées. Alors même que, on le sait, avec tout compte fait, elle continuait tous ses voyages, ses randonnées. Et puis le troisième élément qu'elle donne d'explication, c'est l'existentialisme, une fois de plus, où cette amertume renvoie à la condition humaine. On cherche à être, à devenir un être, mais on ne peut qu'exister. Où on met énormément de croyances dans la vie, mais on s'aperçoit que la vie ne fait que passer. Donc il y a une sorte de condition humaine qui est cette défaite finalement de toujours l'absolu vers le relatif. Bon, ça c'est aussi son explication, on va dire, par la philosophie. Je revois la haie de noisetier que le vent bousculait et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds. Toute une vie à vivre. Elles ont été tenues. Cependant, tournant un regard incrédule vers cette crédule adolescente, je mesure avec stupeur à quel point j'ai été flouée. Alors, en même temps, elle est très consciente, et on le voit dans le Lièvre de Patagonie, hein, ces mémoires écrites par Lanzmann, où il consacre un très beau chapitre à la liaison qu'il a avec Simone de Beauvoir. En même temps, elle est très consciente que c'est un chant du cygne, en quelque sorte. Et elle sait très bien que Lanzmann va se détourner pour quelqu'un de plus jeune. Elle est très consciente que c'est la dernière grande liaison qu'elle aura. En fait, non, puisqu'elle en a eu ensuite. Beauvoir avait un appétit de vie formidable. Elle avait aussi une aptitude au bonheur. Et en même temps, l'idée que ça va cesser un jour ou l'autre, est une angoisse permanente. En fait, c'est une dialectique qui l'a fait vivre. Hein. Lanzmann le dit aussi, qu'il a toujours été très impressionné par les crises de larmes et de dépression qu'a Simone de Beauvoir périodiquement. C'est-à-dire que quand on a cette force de vie, cet appétit de vivre, eh bien, on a aussi nécessairement la crainte que ça va s'arrêter. Souvent, je m'arrête éberluée devant cette chose incroyable qui me sert de visage. Rien ne va plus. Je déteste mon image. Au-dessus des yeux, la casquette, les poches en dessous, la face trop pleine et cet air de tristesse autour de la bouche que donnent les rides. Peut-être que les gens qui me croisent voient-ils simplement une quinquagénaire qui n'est ni bien ni mal, elle a l'âge qu'elle a. Mais moi, je vois mon ancienne tête où une vérole s'est mise dont je ne guérirai pas. C'est des mots glaçants qui disent quelque chose, je trouve, de vraiment fort sur cette impossibilité pour les femmes de séparer d'abord leur propre existence de leur corporité, mais j'allais dire aussi même la réflexion et même la philosophie de leur propre corporité. En tout cas, c'est ce que fait Simone de Beauvoir. Camille Froide-Vaumétry, philosophe. Et de fait, dans la vieillesse, eh bien, elle va assumer et se saisir de cette question du vieillissement qu'elle est en train elle-même d'éprouver pour penser cette période-là de l'existence. Et là, pour le coup, effectivement, pour réenclencher ce prisme phénoménologique, c'est-à-dire le corps vieillissant, en l'occurrence, alors effectivement comme étant le lieu de toutes les interprétations négatives. Et puis dans le deuxième volume, à nouveau, comme dans le deuxième sexe, l'expérience vécue du vieillissement, où là, elle peut déployer aussi des arguments et des propositions plus positives. Dans tout compte fait, on n'a pas du tout la même perception de la vieillesse que dans La force des choses. La vieillesse passe presque inaperçue. Mais il faut dire que Simone de Beauvoir, à ce moment-là, est entourée de la jeunesse. Elle est dans le mouvement des femmes, qui est... pourrait être la grand-mère de la plupart des militantes. Elle est avec Sylvie Lebon, donc elle est entourée par la jeunesse et un petit peu finalement ce qu'elle écrivait pour Lanzmann pourrait se répéter, c'est-à-dire que les relations qu'elle a avec quantité de femmes la maintiennent dans la jeunesse. Elle est aussi dans un mouvement social bouillonnant, extrêmement drôle, extrêmement irrévérencieux, qui réinvente les slogans et la vie, et qui doit être extrêmement porteur. Hein, Donc on est dans un contexte très différent. Tu te regardes dans le miroir, aucun narcisse à repêcher. Tes cernes sont couleur du soir qui sur ton cœur vient de tomber. Chaque jour tu sais que ça empire, tu vas finir par en mourir. Chaque jour tu sais que ça empire, tu vas finir par en mourir. C'est l'histoire d'une fleur bleue coincée entre deux pages qui se dessèche en direct d'un authentique herbier. Adélaïde Bertel, c'est une femme comme tant d'autres qui a 46 ans voit disparaître Laura qu'elle avait jeune fille. Adélaïde, c'est aussi l'histoire d'une transmutation, du coup. C'est comment est-ce qu'elle est au statut de victime bien gourdasse, hein, quand même. Et puis, elle va peu à peu entrer en empowerment et être dans une forme de deuil, effectivement, hein, de renoncement, mais ce qui est aussi faire le deuil d'injonctions et de tout ce que la société lui a mis dans le crâne depuis qu'elle est petite, puisqu'Adélaïde, elle est atteinte des pousites aiguës, dans la mesure où dès qu'elle a un premier rendez-vous, elle se transpose le jour du mariage avec le maire et les invités. Si on pouvait avoir le plus de livres possible là-dessus, une avalanche de romans de la maturité, et même pour parler du rêver de la sensualité. Parce que franchement, je pense que les femmes en ménopause font de super personnages parce qu'elles se débattent. Mais ces récits n'existent pas. Enfin, pas encore. Alors que c'est un moment de la vie hyper intéressant et que d'un point de vue narratif, ça marcherait parfaitement. On sait qu'un certain nombre de femmes ménopausées quittent leur conjoint. Elles mettent fin à leur mariage et décident de foutre en l'air tout ce qu'elles supportaient jusque-là. Il y a même une petite minorité de ces femmes qui avaient toujours eu des partenaires masculins et qui décident d'avoir des histoires avec des femmes. En fait, il y a vraiment un énorme potentiel narratif dans cette trajectoire. Et j'adorerais lire tous ces récits. Ce serait génial. Little old lady passing by, catching everyone's eye. Ainsi peut se poursuivre le parcours d'Adélaïde. Elle n'a besoin de personne, si ce n'est de ses amis. Seule la sororité est au centre de sa vie. Elle se consacre à son travail et devient une machine de guerre. Elle ne regrettera jamais rien, saura se satisfaire de son sort, ou mieux encore, l'optimiser. La solitude sera son habitacle naturel, sa liberté de mouvement, tout son écosystème. Ça peut être ça aussi, le destin d'Adélaïde. Elle a connu le couple, des décennies d'amour, s'est toujours ennuyée. Elle sera à jamais une femme célibataire, ce statut finira par la sécuriser. Le célibat n'est pas du tout le mot solitude pour qui sait le remplir autant que s'y déployer. Adélaïde Bertel, une femme comme un tas d'autres qui n'a pas besoin d'homme pour se sentir exister. Il y a plusieurs fins, enfin il y en a deux et demi, parce que je voulais pas de morale à l'histoire. Je voulais pas non plus que ce soit... Elle décide de finir célibataire, elle décide de rompre tout relationnel avec et sentimentalisme avec les hommes. C'était un peu vindicatif, c'était donner une sorte de... Oui, de morale, et puis c'est pas ce que je crois non plus. Je pense que tout ça, c'est des phases. Par contre, ce à quoi je tenais, c'était qu'elle finissait... En groupe sororal, oui. En groupe sororal, vieille femme. Une sorte d'alternative à l'EHPAD. Ben moi, j'ai beaucoup d'amis toutes seules à 50 ans qui sont pleines de toutes seules. Elles ne sont absolument pas toutes seules. Elles sont célibataires, mais elles sont... Blandine Lenoir. Il y a une... Enfin, les copines, c'est très important quand même pour les femmes. Il y a un truc... Enfin, je ne connais pas une femme qui n'a pas une très, très, très bonne copine, voire plusieurs. Je voulais qu'on traverse le film en... qu'on n'ait plus peur de vieillir. Voilà, moi, je ne voulais plus avoir peur de vieillir. J'en pouvais plus de ce truc-là, quoi. C'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? 20h, il arrête pas de repousser. Mais c'est super, au contraire. 20h, ça veut dire qu'il t'emmène dîner et qu'il veut passer toute la soirée avec toi. C'est trop bien. Tu crois? Bah oui. Bon, tu gardes la jupe, mais tu changes le haut, hein. D'accord. On a besoin d'héroïnes de plus de 50 ans qui parlent, en fait, de ce que traverse leur corps. C'est pour ça que le film Aurore de Blandine Lenoir, je pense, a extrêmement bien marché au cinéma. Ah, oh bah non, on passe plus, maman. Non, non, c'est pas lui. Ah, bah là, c'est bien. Ah, ça, le coup de l'épaule, c'est bien, ça, c'est super. Le corps féminin traverse plusieurs états. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont traverser ces étapes-là, mais d'avoir ses règles, d'avoir les seins qui commencent à apparaître, de traverser une grossesse, d'accoucher, d'être ménopausée, voilà, l'orgasme féminin aussi, ce sont des choses en fait qu'on ne voit pas sur nos écrans. Et du coup, parce qu'on ne les voit pas, dans l'inconscient collectif, ça devient quelque chose d'irreprésentable. Et souvent, quand du coup ça apparaît sur nos écrans, c'est souvent sous la forme d'images horrifiques. Donc on se construit toutes avec soit des non-représentations et des images manquantes, ou alors avec des images horrifiques des états du corps féminin. C'est ce qui laisse en fait un énorme vide et aussi nous incite à penser que ce qui est lié au corps féminin est quelque chose soit d'inintéressant ou de sale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le male gaze au cinéma ? Le male gaze, c'est un concept théorisé par Laura Mulvey en 75 qui explique que la construction de notre désir et de notre plaisir au cinéma se passe à travers l'objectification du corps des femmes, c'est-à-dire que le héros au cinéma regarde les personnages féminins comme des objets et qu'en regardant la femme comme un objet, il prend du plaisir et que nous, spectateurs, spectatrices, on s'identifie au regard de la caméra qui est en fait le relais du regard du spectateur. Donc dans cette triangulation de regard, on prend tous et toutes du plaisir à regarder des femmes comme des objets. Je suis un peu partie des clichés, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, la difficulté à trouver un emploi, la difficulté à trouver l'amour, les enfants qui partent, etc. La sexualité des enfants qui arrivent à la maison alors que soi-même on n'en a plus. Enfin, toutes ces thématiques-là. Et puis à partir de là, construire un espèce de parcours de cette femme qui irait plutôt vers la lumière. Alors très vite, les producteurs et d'autres gens ont réclamé quelque chose de l'ordre de la comédie romantique. C'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'il y ait un homme dans l'histoire, quoi. Donc ça me perturbait beaucoup. Et puis après, je me suis dit, ce que je vais essayer de raconter, c'est que Aurore, elle se redresse, elle redevient forte grâce aux femmes qu'elle rencontre. Et grâce à ça, elle a à nouveau envie d'être amoureuse. Mais la fin du film ne dit pas forcément que cette histoire d'amour va être très importante. En tout cas, elle s'autorise à être amoureuse, quoi. J'ai voulu développer le concept du regard féminin pour revaloriser justement les expériences que traversent les corps féminins. Donc le regard féminin, c'est ressentir avec l'héroïne et ne plus la regarder à distance. Iris Bray. Parce que moi, c'est la manière dont j'ai travaillé en fait pour écrire ce livre, c'était de faire confiance à mon corps. Et c'est quelque chose qu'on ne m'a jamais appris à faire. C'est-à-dire que je regardais des films et je me disais, est-ce que là, physiquement, j'arrive à ressentir ce que l'héroïne traverse ? Et c'était une expérience finalement assez rare de vraiment sentir dans ma chair ce que l'héroïne traversait. Je pense que je jubile au cinéma ou devant une série quand je me sens regardée par l'œuvre. Et de se sentir vue par une œuvre, c'est une expérience tellement rare qu'elle est jubilatoire parce que tout d'un coup, on a l'impression de compter. Et je pense aussi que c'est une manière pour la personne qui réalise l'œuvre de nous prendre en compte et de nous dire qu'elle nous regarde à égalité. Par exemple, dans le dernier film de Céline Sciamma, quand un homme apparaît au bout d'une heure vingt de film, c'est un moment de jubilation parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'homme jusqu'à maintenant dans le film, que cet homme revient et c'est presque monté en fait comme un moment d'horreur en fait et je me souviens très bien du rire dans la salle à ce moment-là et ça c'est un clin d'œil en fait entre la cinéaste et nous. Ça veut dire que la cinéaste nous prend en compte en tant que spectateur spectatrice et s'adresse à nous directement. C'est quelque chose de très beau, de très poétique et aussi de bouleversant parce que ça n'arrive pas si souvent en fait de se sentir regardé par une œuvre. Ça a été perçu de différentes manières. Alors, hommes et femmes, exactement, là-dessus, égalité. Il y avait des hommes et des femmes qui disaient, ah bah, c'est super, on n'en a jamais parlé. Et d'autres qui me disaient, mais ça va intéresser qui? À la réception, surtout, c'était vachement émouvant parce que il y avait des femmes vraiment très bouleversées qu'enfin on parle d'elles de cette façon-là. Et puis, il y a eu une salle qui était vraiment très émouvante où il y a une femme qui s'est levée et qui a dit, toutes les femmes ménopausées de cette salle, levez-vous. Et plein de femmes se sont levées. Et avec Agnès Jaoui, on était vachement émus parce qu'on avait l'impression d'un seul coup que c'était encore plus politique que ce qu'on croyait. Parce que ces femmes se sentaient hyper fières de pouvoir se lever et de pas se cacher, de pas en avoir honte. Et ça, c'était extraordinaire. Et non, la réception a été formidable, très joyeuse. Il y a juste un type un jour qui m'a dit, c'est dingue, un film où il y a autant de femmes et on voit aucun nichon. Et ça a été extraordinaire parce que je me suis dit, voilà, on n'est vraiment pas habitué à voir un film où il y a beaucoup, beaucoup de rôles de femmes et personne à poil, quoi. Et je pense que nos images manquantes des personnages féminins ménopausés, c'est un champ immense. Moi, il m'en manque tellement. Je ne sais pas, en fait, à quoi ça ressemble. J'ai des images de bouffées de chaleur, mais je ne sais pas vraiment ce que ça fait que de ressentir une bouffée de chaleur. J'ai jamais vu, par exemple, un personnage féminin se mettre du gel avec de la progestérone sur ses avant-bras, alors que je sais que c'est quelque chose qui se fait, mais je ne l'ai jamais vu, ni dans une série, ni au cinéma. Donc, Je pense que nos fictions doivent s'emparer, en fait, non seulement des gestes du quotidien, de ce que ça change au quotidien, mais de nous faire éprouver ce que traversent ces corps, soit par les mots, soit par la mise en scène. Mais j'aimerais savoir. Voilà, les femmes de 50 ans au cinéma n'existent pas, vraiment. Alors on a l'impression que si, parce qu'il y a des films qui sont totalement construits autour de stars de cet âge-là, comme Karine Viard, Isabelle Huppert, etc. Mais en fait, elles sont des exceptions. Parce que finalement, enfin les chiffres, c'est très parlant, il y a 8% des personnages féminins au cinéma qui ont plus de 50 ans. Donc c'est rien. Et souvent dans les films, quand il y a une femme de 50 ans qui a le premier rôle, c'est un destin tragique, comme elle dort dans sa voiture, ou enfin, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'une femme juste héroïne de son quotidien, comme Aurore qui a des enfants qui travaillent, etc., ça n'existe pas, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas un sujet. Je me souviens dans Elle, avec Isabelle Huppert, qui à l'époque du tournage a 62 ans, elle dit à son amant qu'elle ne peut pas le voir parce que ce soir, elle a ses règles. Et je me souviens que j'ai éclaté de rire dans la salle de cinéma, je me suis dit, c'est pas possible qu'à ce point-là, on ait besoin pour montrer que cette femme est encore jeune, il faut qu'elle mentionne ses règles. C'est incroyable, quoi. Oh là là là, c'est terrible. Parce que bah, dans le cinéma, voilà, le cinéma aime la chair fraîche, quoi. Et puis les femmes, pendant très très très longtemps, étaient là surtout pour valoriser les rôles masculins, pour être un objet de désir. Les femmes se lavent énormément au cinéma, elles prennent beaucoup de douches, elles sont très propres. On les voit beaucoup se laver, c'est assez saisissant. Voilà, donc logiquement, tant que le cinéma était fait surtout par les hommes, elles sont restées cantonnées à ces rôles-là. Il se passe qu'il y a de plus en plus de femmes réalisatrices et productrices, etc. Donc les choses changent un peu, j'ai l'impression quand même. Il y a de plus en plus de très beaux rôles de femmes au cinéma. Mais la femme de 50 ans... Elle reste quand même soit diabolique, soit envieuse, soit méchante. Ça reste assez compliqué. Je pense que ça bouge, mais c'est encore difficile. Moi, je ne peux plus supporter de voir des couples au cinéma où l'homme a 60 ans et sa femme 35, quoi. J'arrive pas à comprendre comment le public peut s'identifier à ces personnages-là. Je comprends pas. You're sweaty, Christine. Sweaty? Oh, I bet you're having a little hot flush. Hot flush? What are you talking about? Kania et Lasset. Oh, you know what I'm talking about. En 1995. Change of life. Change? Menopause? Grâce, en fait, aux séries télé qui ont été créées récemment et showrunnées par des femmes, on a une multiplication des expériences des corps féminins sur nos écrans, que ça aille, en fait, de l'avortement à la ménopause. I'm too young for that. Well, not really, Christine. The average age is about 50. I am not 50. Les salles de scénaristes, les writers' rooms, sont composées majoritairement de femmes et de femmes qui viennent de milieux sociaux différents, des femmes racisées. Enfin, donc, ça donne d'autres représentations et d'autres regards. Women are born with pain built in. Fleabag, saison 2, épisode 3. It's our physical destiny. En 2016. Period pains, sore boobs, childbirth, you know. We carry it within ourselves throughout our lives. Par exemple, quand Christine Scott Thomas dans la série Fleabag fait un petit monologue en fait sur ce que c'est que de vivre dans le corps d'une femme et l'expérience de la douleur quand on est une femme, ça me passionne. We have pain on a cycle for years and years and years, and then, just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes, the fucking menopause comes, and it is the most wonderful fucking thing in the world. And yes, your entire pelvic floor crumbles and you get fucking hot and no one cares, but then you're free. No longer a slave, no longer a machine with parts. You're just a person in business. I just kept hoping. I just kept hoping the wire would become clear. I spent all this time trying to play now. I found my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. Si on regarde la série Grace and Frankie, c'est une série qui parle du corps des femmes monoposées et même de leur plaisir, puisque les deux commencent un business de sex toys et elles inventent en fait un god qui puisse assouvir leurs besoins en tant que femme âgée. Donc par exemple, l'une d'entre elles a de l'arthrite. Donc il faut que ce soit un jouet assez gros qu'elle puisse manipuler sans trop de problèmes. L'autre a la vue qui baisse, donc elle décide qu'il va y avoir certaines choses qui vont être voyantes, comme les boutons sur lesquels on appuie. Vous voyez, ça c'est des détails, mais en fait c'est prendre en compte le fait que leurs mains changent, leur vision change, mais leur désir et leur plaisir est en constant, et il est encore là. Ça, je trouve que sur une série populaire, très grand public, c'est assez révolutionnaire. En fait, les personnages de femmes âgées et ménopausées, elles ont toujours existé. Et au cinéma aussi, c'est-à-dire que, en fait, on peut pas se réjouir aujourd'hui en se disant « Ah tiens, il y a un film qui parle d'avortement ». Ces films-là, en fait, ils ont toujours existé. C'est juste qu'ils ont pas été mis en valeur et que souvent, ils ont été oubliés de notre histoire populaire et de notre imaginaire. Donc, ça veut dire que les femmes, parce que c'était souvent des femmes, ont toujours parlé de leur corps dans la fiction. Ça existe en fait à toutes les époques. On voit des femmes qui en ont plus rien à foutre d'être regardées par leur mari dans les films de Germaine Dulac dans les années 30. Ça existe. C'est juste que ces films-là n'atteignent pas nos imaginaires et ne font pas partie d'une culture cinéphile. Parce que ce sont des films réalisés par des femmes et que du coup, ils sont considérés comme ayant moins de valeur. Mais quand je les montre, moi, aujourd'hui, dans des salles de cinéma ou lors de conférences, c'est des films qui font rire. C'est des films où le public se reconnaît. Donc, c'est des films qui ont de la valeur. C'est juste qu'ils ont été oubliés. Et c'est ces films-là, moi, qui m'intéressent. Ben, en fait, moi, c'est avoir des modèles que je trouve déprimants. Je pense qu'avoir un modèle, ça veut dire qu'on va se projeter dans une forme de comparaison avec des objectifs. Je suis pas trop pour, du coup, c'est quand on me demande aussi quelle femme puissante, quelle femme forte m'a inspirée. Je sors toujours Solana, c'est pas par mauvais esprit, c'est vraiment juste qu'il y a qu'elle qui m'a marquée. Et sinon, il y avait Lio quand j'étais petite, c'est pas vraiment des modèles, enfin, c'est des modèles d'émancipation, mais non, modèle, j'en ai pas. Après, il y a plein de femmes dans le quotidien qui sont inspirantes, comme il faut dire aujourd'hui. C'est plus Madame Tout-le-Monde, mais de toute façon, c'est un peu comme la question de qu'est-ce que c'est qu'une femme puissante. La femme puissante, c'est vraiment Madame Tout-le-Monde, en fait. Faut pas chercher d'icône. Je pense que le danger, il est peut-être là. Ça joue surtout aussi dans l'invisibilisation, en fait. On va porter une icône et puis on va pas regarder le reste. Aujourd'hui, c'est comme un mal de cœur dans un avion taxi. C'est comme un poudrier avec une mitrailleuse jeté sur canapé ou zone dangereuse. C'est le fourreau bleu noir d'un appareil photo au fond d'un urinoir dans les quartiers prolo. Un bouillon de 11 heures et des ongles vernis. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. Vallée des grandeurs des filles d'aujourd'hui. C'est l'oiseau de malheur des élus de Paris. C'est comme une moto chargeant un bal masqué ou comme un torero déguisé en marié. Et son voile géant traînant dans l'eau glacée. C'est un prince charmant tout arrêt ou pygmé. Un orage de fleurs dans un bain de minuit. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. Merci à Martine Boyer-Weinmann, Iris Bray, Sylvie Chaperon, Daniel Delanoé, Chloé Delhomme, Camille Froide-Vaumétry, Annette Kailauer, Blandine Lenoir et Darcey Steinke. Lecture Sarah Chaumette. Merci à Vali qui a prêté sa voix à Darcey Steinke et à France Bleu Toulouse et Montpellier. Mixage Philippe Mercher, La femme invisible,